La jeunesse est insolente, turbulente. Mais souvenez-vous, vous les gens devenus sages, qu'à notre âge, vous étiez comme nous, tout comme nous pressés de vivre et de suivre le chemin, le bourgeois. Alors pourquoi jeter la pierre? Laissez faire, tout ça se calmera. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Nos 20 ans n'ont qu'un temps, laissons-les brûler. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Le ciel donne ce qu'il nous donne pour en profiter. Nous avons l'âge où l'on crève pour des rêves peut-être insensé, l'âge où l'on refait le monde, que l'on fonde sur de vagues idées. On se voudrait invulnérable, intraitable, toujours le plus fort, faisant tout avec frénésie. Notre vie devient un corps à corps. Alléluia, alléluia, alléluia. Nos 20 ans n'ont qu'un temps, laissons-les brûler. Alléluia, alléluia, le ciel donne ce qu'il nous donne pour en profiter. Le passé qui règne encore, on l'ignore. Pour vivre au futur, on se forge des idoles et l'on colle leurs photos sur nos murs. C'est pour se prouver qu'on existe, qu'on résiste aux lois établies. Et pour que l'on s'extériorise, on se grise de vitesse et de bruit. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Nos 20 ans n'ont qu'un temps, laissons-les brûler. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Le ciel donne ce qu'il nous donne pour en profiter. Et nos passions sont de même quand on aime. Tout est bouleversé, nos sentiments nous dépassent et l'on passe notre temps à rêver. La vie prend une autre tournure, en murmure des mots simples et doux, car on est au fond romantique, ça explique que l'on soit un peu fou. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Nos 20 ans n'ont qu'un temps, laissons-les brûler. Alléluia.